Amos chapitre 5. Écoutez cette parole, qui est la complainte que je prononce à haute voix touchant vous, ô maisons d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël, elle est abandonnée sur la terre, il n'y a personne qui la relève. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à la maison d'Israël, la ville de laquelle il en sortait 1000, n'en aura de reste que 100, et celle de laquelle il en sortait 100, n'en aura de reste que 10. Car ainsi a dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi, et vous vivrez. Et ne cherchez point Bethel, et n'entrez point dans Gilgal, et ne passez point à Beersheba, car Gilgal sera entièrement transporté en captivité, et Bethel sera détruite. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il ne saisisse la maison de Joseph, comme un feu qui la consumera, sans qu'il y ait personne qui l'éteigne à Bethel. Parce qu'il change le jugement en absinthe, et qu'il renverse la justice. Cherchez celui qui a fait la poussinière et l'orion, qui change les plus noires ténèbres en aube du jour, et qui fait devenir le jour obscur comme la nuit, qui appelle les eaux de la mer, et les répand sur le dessus de la terre, le nom duquel est l'Éternel. Qui renforce le fourrageur par-dessus l'homme fort, tellement que le fourrageur entrera dans la forteresse. Il haïsse à la porte ceux qui les reprennent, et ils ont en abomination, celui qui parle en intégrité. C'est pourquoi, à cause que vous opprimez le pauvre, et lui enlevez la charge de froment, vous avez bâti des maisons de pierre de taille, mais vous n'y habiterez point, vous avez planté des vignes bonnes à souhait, mais vous n'en boirez point le vin. Car j'ai connu vos crimes, ils sont en grand nombre, et vos péchés se sont multipliés, vous êtes des oppresseurs du juste, et des preneurs de rançon, et vous pervertissez à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi l'homme prudent se tiendra dans le silence en ce temps-là, car le temps est mauvais. Cherchez le bien, et non pas le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous l'avez dit. Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez le jugement à la porte, l'Éternel, le Dieu des armées, aura peut-être pitié du reste de Joseph. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dit ainsi, il y aura lamentation par toutes les places, et on criera par toutes les rues, hélas, hélas, et on appellera au deuil le laboureur, et à la lamentation ceux qui enseignent le métier. Et il y aura lamentation par toutes les vignes, car je passerai tout au travers de toi, a dit l'Éternel. Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. De quoi vous servira le jour de l'Éternel? Ce sont des ténèbres, et non pas une lumière. C'est comme si un homme s'enfuyait de devant un lion, et qu'un ours le rencontra, ou qu'il entra en la maison, et appuya sa main sur la paroi, et qu'un serpent le mordit. Le jour de l'Éternel, ne sont-ce pas des ténèbres, et non une lumière? Et l'obscurité n'est-elle point en lui, et non la clarté? Je hais et rejette vos fêtes solennelles, et je ne flairerai point l'odeur de vos parfums dans vos assemblées solennelles. Que si vous m'offrez des holocaustes et des gâteaux, je ne les accepterai point, et je ne regarderai point les oblations de prospérité, que vous ferez de vos bêtes grasses. Ôte de devant moi le bruit de tes chansons, car je n'écouterai point la mélodie de tes musettes. Mais le jugement roulera comme de l'eau, et la justice comme un torrent impétueux. Est-ce à moi, maison d'Israël, que vous avez offert des sacrifices, et des gâteaux dans le désert pendant 40 ans? Au contraire, vous avez porté le tabernacle de votre Moloch, et Chijin, vos images, et l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fait. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Damas, a dit l'Éternel, duquel le nom est le Dieu des armées.